بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer inshallah ta'ala un nouveau chapitre dans l'explication de Kitab al-Tawhid. On prendra que un chapitre inshallah ta'ala aujourd'hui. L'auteur qui nous dit رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. Le chapitre concernant celui qui se moque de quelque chose qui contient le rappel d'Allah ou du Coran ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: wa la in sa'altahum liyaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Si tu les interroges, ils te diront: certes, on ne faisait que discuter et on ne faisait que s'amuser. Et d'ailleurs, ici, barakallahu fikum, ce passage, que ce verset que l'auteur a cité, rahimahullah, est lié à un événement très important. Est une référence à un événement très important qu'il est important de comprendre, barakallahu fikum, car cela fait partie des annulatifs de l'islam. Et d'ailleurs, on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Certains incroyants, certains individus sont tombés donc dans un acte de mécréance. Ils sont tombés dans un acte de mécréance et Allah tabaraka wa ta'ala a fortement réprimandé cela. Voilà, in sa'altahum liyaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et donc ce sujet qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, est un sujet d'une grande importance. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zayd ibn Aslam wa Qatada دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. Et donc ici l'auteur il nous cite un texte dans lequel un homme, lors de la bataille de Tabouk, il a dit: on n'a vu personne qui soit semblable à nos récitateurs. Qura'ina, donc nos récitateurs, nos étudiants, nos savants. Ce qui est voulu ici, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont proches de lui, ceux qui ont du ilm. On n'a vu personne qui soit semblable à ces gens-là. Arrababutunan, hein? Ceux qui mangent beaucoup. Et donc là, il les critique. Il les critique, ils mangent beaucoup. Wa akdaba al-sunan, ils mentent beaucoup. Wa ajbana inda al-liqa. Et des gens qui sont donc peureux lors de la rencontre, c'est-à-dire lors de la rencontre, lors d'une bataille, ils sont peureux. Il veut dire ici, donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Fekole lahu Awf ibn Malik, kadhabta, walakinaka munafiq. Li'ukhbiranna Rasulallahi, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Awf ibn Malik, il lui a dit à cet homme: tu as menti, cependant tu es un hypocrite. Et certes, j'en informerai au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadhahaba Awfun ila Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam li yukhbirahu fa wajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Alors Auf ibn Malik, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer de cela. Mais il a vu que le Coran l'avait précédé. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala avait fait révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'était passé. Et pas des versets. فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ. Et donc, cet homme-là qui avait prononcé cette parole, il est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il était monté sur sa monture. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ نَقْطَعُ بِهِ عَنَاءَ الطَّرِيقِ. Cet homme-là, il a dit au messager d'Allah, il a dit, oh messager d'Allah, certes, on discutait, on parlait, nous avions donc les discours qui nous aidaient à passer le temps pour supporter la difficulté du voyage. Le voyage est long, et donc on plaisante, on rigole, etc. Le voyage, c'est pour nous faciliter la difficulté du voyage. قال ابن عمر فكأني أنظر إليه متعلقا بنزعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Et donc là, Ibn Omar nous cite qu'il a vu cet homme dans une situation difficile. Hein, cet homme qui était dans une situation en train de supplier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il montrait qu'il était dans une situation où il s'excusait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, on ne faisait que discuter et plaisanter. On s'amusait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui citait la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qul Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ma yaziduhu alayhi. Et il ne rajoutait rien à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tournait pas vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondait pas à ce qu'il disait. Il ne faisait que répéter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qul abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dit, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Et donc, premièrement, il y a dans cela, ô chers frères, le fait de nous méfier, le fait de faire attention à ne pas tomber dans un annulatif de l'islam. Des gens parfois, ils vont plaisanter, passer le temps, etc. Hein? Et il faut qu'on fasse attention à ce que nos paroles que nous prononçons ne soient pas des causes qui nous fassent sortir de l'islam. Car comme nous avons vu, l'être humain, il rentre en islam en prononçant une parole, la ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu anna muhammadan rasulullah. De la même manière, il y a aussi des paroles qui font sortir de l'islam. On avait déjà vu dans les annulatifs de l'islam, barakallahu fikoum, qu'il faut faire attention à plusieurs points. Parmi ces points-là, on regarde l'intention de la personne. Une personne va prononcer une parole qui est une parole de mécréance. On va demander à cette personne quelle est son intention. Exemple, pourquoi est-ce qu'on dit cela ? Parce que on voit dans les textes de la législation que l'intention de la personne, elle est prise en compte. Exemple, on a cet homme qui était avec sa monture dans une, sur une terre déserte et il s'est reposé en dessous d'un arbre, du moins, et il a perdu sa monture sur laquelle il y avait sa nourriture et sa boisson. Et donc, sur une terre déserte, ta boisson, ta nourriture et ta monture disparaissent. Tu ne vois rien d'autre que cela. Alors il s'est posé auprès d'un arbre à attendre la mort. Parce que pour lui, ça, c'était fini. C'était fini. Et donc, c'est alors qu'il était dans cette situation, et c'est alors qu'il retrouve sa monture auprès de lui. Alors là, il était tellement heureux qu'il a dit, « Oh Seigneur, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il a dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Cette parole, si on la prend en compte, c'est une parole de mécréance. Comment ça, Allah, c'est ton serviteur? Comment ça, c'est toi, son Seigneur? Mais cet homme n'avait pas l'intention de dire cela. Lui, il voulait dire l'inverse. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il raconte cette histoire, il nous dit « Akhta'a min shiddatil farah ». Il s'est trompé tellement il était heureux. Et donc, lorsqu'une personne prononce une parole, qui peut être une parole de mécréance, les savants, ils vont poser plusieurs questions. Quelle était ton intention? Est-ce que tu sais que ça? Est-ce que tu sais que si? Est-ce que tu sais que ça? Les savants, ils nous disent, beaucoup de savants nous disent, sauf concernant celui qui se moque de la religion. Ils nous disent, celui qui se moque de la religion, il sort de l'islam. On ne va pas chercher à savoir pourquoi, on ne va pas chercher à savoir est-ce qu'il a su que, il sort. Pourquoi? Parce que ne prononce cette parole qu'une personne qui méprise Allah, qui méprise le messager d'Allah, qui méprise le Coran. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité que trois éléments ici. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dites, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Interdit formellement de se moquer d'Allah, de son messager, et donc du Coran. Et aussi, on voit dans cette histoire, barakallahu fikoum, que l'individu va être jugé en fonction de ses dires. Les gens n'aiment pas être jugés. Les gens, ils n'aiment pas quand on les juge. Hein? Ils n'aiment pas quand... Tu es qui, toi, pour me juger? Personne ne me juge. Comment ça, personne ne te juge? On te juge en fonction de ce que tu dis, de ce que tu fais. On va voir, on te juge, est-ce qu'on peut te fréquenter? Si tu es un dealer, on va réfléchir, est-ce qu'on te fréquente ou pas? Tu es un dealer, on ne fréquente pas les dealers. Non. Est-ce que tu es un khariji qui tacle les musulmans de mécréants, qui va poser des bombes, etc., ou qui appelle à cela? On ne va pas te fréquenter non plus. Et donc, en fonction de tes actes, on va te juger. Le jugement, soit on ne te fréquente pas, soit autre chose, etc., etc. En fonction de la situation. Mais on va émettre un jugement. Et donc, barakallahu fikoum, le jugement est émis en fonction des actes et des paroles de l'individu, pas en fonction de son intention. « Oh, messager d'Allah, on ne faisait que passer le temps, plaisanter, etc., etc. » Non. Ta parole, c'est une parole de mécréance. Ne viens pas me dire « je plaisantais, je suis... » C'est une parole de mécréance. Et donc, on fait très attention à cela. Je ne dis pas à mes frères qu'il est interdit de plaisanter. Au contraire, ça peut être une cause pour faire entrer le bonheur dans le cœur de ton frère. D'ailleurs, il y a dans un texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui citait un des hommes du paradis, un des hommes qui est au paradis et qui aimait cultiver. Il aimait cultiver la terre. Et donc, il a demandé à Allah, tabaraka wa ta'ala, de cultiver la terre. Allah lui a dit, mais tu n'as pas ce que tu voulais, etc. Oui, j'ai tout ce que je voulais, mais j'aime cultiver la terre. Alors, il a commencé à cultiver la terre et subhanallah, ce qu'il plantait poussait en un battement d'œil à hauteur d'une montagne. Et donc, cet homme cultivait la terre. Et là, il y a un bédouin, un homme qui arrive et qui dit, « Oh, messager d'Allah, moi, je vois que cet homme-là ne peut être qu'un Korachi ou alors un Ansari. soit c'est quelqu'un de Quraysh, ou soit c'est quelqu'un des Ansar. Parce que eux, ils cultivent la terre. Mais nous, les Bédouins, on ne cultive pas la terre. Et donc, on ne rentre pas dedans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rigolé. Fadahika Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les savants, ils nous disent, ici, cet homme, il a voulu faire rentrer la joie, le bonheur dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a plaisanté. Il n'y a pas de mal à plaisanter. Hein? Tu veux faire rentrer la joie, le bonheur dans le cœur de ton frère, alhamdoulilah. Mais premièrement, il ne faut pas que ça soit trop fréquent, parce que cela endurcit les cœurs, comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut aussi qu'on se rappelle beaucoup de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Law kuntum ta'lamuna ma a'lam, labakaytum kathiran wa ladhahaktum qalila. » Si vous saviez ce que moi je sais, alors vous auriez beaucoup pleuré et peu rigolé. Et donc, l'être humain doit faire attention à ce que le fait de plaisanter, de rigoler, ne prenne pas trop d'ampleur et trop d'importance dans sa vie. Mais aussi, le fait de trop rigoler va entraîner le fait que la personne ne fasse plus la distinction entre ce qui est licite et ce qui est illicite. Et donc, il va faire rentrer des blagues ou des choses illicites dans sa manière de plaisanter et de rigoler. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de faire attention à cela, notamment concernant le sujet de mécréance, ce qui fait sortir de l'islam. Formellement interdit de se moquer de quelconque élément avec lequel est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne te moque pas de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne te moque pas des rawatib, ne te moque pas de quoi que ce soit, ne te moque pas de la barbe, ne te moque pas de l'interdiction du isbel, ne te moque pas du vêtement, ne te moque pas de quoi que ce soit. Il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. On plaisante, mais il y a une ligne à ne pas dépasser. Et donc ça, c'est important. Et chacun d'entre nous doit faire des efforts et nous devons tous nous entraider afin de faire en sorte que les plaisanteries aient des limites. Et attention, je ne dis pas, on ne plaisante pas du tout, personne ne doit sourire, personne non, il faut avoir un visage fermé. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, oui, nous pouvons plaisanter, mais nous devons mettre des limites à la plaisanterie. Et faire très attention. Et pour finir, il y a aussi dans cette histoire le fait qu'il est permis d'informer le gouverneur de ce qui se passe. Comme ici, Aouf ibn Malik a eu l'intention donc de prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé, afin que le prophète donc s'occupe de ces individus qui transgressent. Ici, nous, dans les quartiers ou ailleurs, on nous a fait croire que toute personne qui va voir un gouverneur, ou toute personne qui va voir les autorités porter plainte, etc., que cette personne, elle est critiquable. Ils utilisent le terme balance. Hein? Ah, c'est une balance, etc., etc., etc. Et subhanallah, ce sont les criminels entre eux, hein? Les mujrimoun, les pêcheurs, les dealers, les fasikoun, les foussak, tous ces transgresseurs-là qui, entre eux, hein, vont utiliser ces termes-là pour blâmer les personnes qui vont voir les autorités. Mais ils ne vont pas se blâmer eux-mêmes par rapport au mal qu'ils font. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de comprendre ceci n'est pas de la médisance. Ce n'est pas de la médisance. Inch'Allah ta'ala, waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.